Bonsoir et bienvenue à l'émission Terra Incognita. Vous êtes en compagnie ce soir de Bruno Côté à la mise en onde et Marc Chaunet au choix musical et à l'animation. Avec deux heures de bon rock progressif, on a plusieurs nouveautés pour vous. Plusieurs coups de cœur de nouvelles parutions. D'ailleurs, on va débuter avec une formation ukrainienne. C'est l'œuvre de Vladimir Gerashchenko. Et c'est Modern Rock Ensemble. C'est son second album. Il y a trois ans, il a fait paraître son premier album. Et c'est un multi-instrumentiste. Alors, il fait de tout. Et il y a un paquet d'invités, plus d'une douzaine d'invités sur ça. Alors, le Modern Rock Ensemble, par moments, c'est très, très calme, un peu pastoral, puis il y a d'autres moments où c'est très rock, dont une des sections que j'ai choisies pour vous, la pièce Dark Kingdom and the Evil King Part 2, puisque c'est une pièce là, qui est en trois parties sur l'album, et c'est pas mal intéressant, franchement, le Modern Rock Ensemble. On va y aller aussi avec Isildur's Bane et Peter Amil. Je vous parle de ça parce que Peter Amil et ses deux amis comparses de Van der Graaf Generator viennent d'annoncer une tournée de 26 dates en Europe là, qui commence au début avril prochain. Et ils vont passer par l'Allemagne, la France, ils vont aller en Scandinavie et également ça va se terminer aux Pays-Bas au mois de mai. Alors, Van der Graaf Generator, toujours actif. Et Peter Amil, c'est super bien ce qu'il fait avec Isildur's Bane sur cet album-là, qui est paru cet été, là, In Amazonia. Alors, on est à la pièce Under the Current. Mais pour débuter, la nouveauté italienne, Il Giardino Onirico. Et c'est un des meilleurs, sûrement, albums de rock progressif italien de 2019, en tout cas à mon goût. Et ça s'appelle Apophenia. Michel vous en a fait jouer deux extraits la semaine dernière. Il y a deux pièces avec Alessandro Corvaglia, c'est le chanteur de la Maschera di Cera. C'est notre groupe un peu chouchou à Terra Incognita depuis qu'on a commencé la Maschera. Là, c'est dommage parce qu'ils sont plus, il y en a plus, mais en tout cas là sur cet album là c'est digne de pièces de la Maschera, sauf qu'il n'y a pas de flûte, mais en tout cas il y a du violon, c'est vraiment très dynamique. Il Giardino Onirico et justement une autre seconde pièce là, avec Alessandro Covaglia, une Nodo all'anima. Thank you.

the flow, untroubled surface, time's come adrift. In your future, to be honest, under the carpet, by day, by night, the stars are falling through your head. The hair is bristling all down your arm. Got you something rotten. You caught the memories that you once expressed as wishes. You thought they'd be forgotten. The wind is whistling around your ears. If you could bring yourself to listen, that you torn out from your diary, your history's already written. The current. Thank you. crucified, or slaves, or dead. Don't kill survivors. We'll have fun instead. We'll make them fight. The fathers, sons, and friends. They'll cut each other's throats. That's my revenge. Vous écoutez CKRL 89.1. Korn est de retour avec un nouvel album, The Nothing. 13 nouvelles chansons explosives, incluant Cold. Can you hear me? It is single, You'll Never Find Me. You'll never find me. I'm lost. You'll never find me. Korn, The Nothing. Disponible partout. Audiolite. Amplificateur pour casque d'écoute, amplificateur de puissance, lecteur CD, table tournante, enceinte multiple d'extérieur ou Wi-Fi Bluetooth, système compact cinéma maison. Audiolite, 50 ans de tradition et d'innovation. Toujours spécialiste en son et images. Audiolite.qc.ca. En octobre, le cinéma Le Clap Sainte-Foy et Loretteville présentent Joker dès le 4 octobre, Mathias et Maxime dès le 9, La famille Adams dès le 11, Zombieland 2 dès le 18 octobre et Des fleurs oubliées dès le 25. Pour obtenir les détails et l'horaire des films, rendez-vous au clap.ca ou téléchargez notre application mobile. Bon cinéma! Tous les midis de la semaine. Et de retour à Terra Incognita avec, j'espère que vous avez aimé ce premier bloc qui s'est terminé par la formation Modern Rock Ensemble. C'est une formation de l'Ukraine. C'est un multi-instrumentiste là, qui est derrière ça, Vladimir Gorashenko. Et c'est leur second album là, intitulé Night Dreams and Wishes. Alors, c'était un extrait d'une des d'une trilogie là, donc une des pièces de la trilogie, la partie 2. Juste avant, on avait eu Peter Hamill et Isildur's Bane tiré de In Amazonia, et on avait débuté avec Il Giardino Onirico tiré de nouvel album là, vraiment excellent, Apophenia. On y va maintenant avec Frank Carducci qui nous revient après 4 ans avec un troisième album et vraiment bon, plus personnel je pense, rock. On sent que ce gars-là il a fait beaucoup de spectacles, des tournées, alors les pièces sont rock senties, c'est vraiment bien. Alors on aura la pièce Love is the Answer. C'est un album intitulé The Answer qui paraîtra dans un mois, là, le 20 novembre, et merci à Franck de nous l'avoir envoyé, et c'est vous qui allez en profiter puisqu'on écoutera cette pièce qui ouvre l'album Love is the Answer. On aura également la formation du Royaume-Uni Capricorn Constant, que moi j'aime beaucoup. J'avais bien aimé leur premier album, ça avait été dans mes albums préférés quand c'est sorti en 2017. Alors un second album pour eux, Death of Field. Michel en avait déjà fait jouer deux pièces là, en primeur même. Mais j'ai l'album et j'ai commencé à l'écouter. Il y a quand même beaucoup de matériel dans ça. C'est vraiment dans l'esprit du premier album. Alors on écoute une pièce de ça, la pièce Ghost Plains. Et on aura également District 97. Vous connaissez cette formation, on en a fait jouer souvent là. District 97, ils en sont à leur quatrième album depuis 2010. Ça c'est sorti là, la semaine dernière, il y a deux semaines. Screens, le titre de ce nouvel album. Et on aura la pièce Trigger. Et également Claudio Simonetti's Goblin. Ça c'était le claviériste original de Goblin qui vient faire paraître un album sous son nom. Et on aura une pièce de ça aussi. Alors on y va tout de suite en musique avec Frank Carducci. Thank you.

Alice was coming out of the festival. And when I was in the screen room, I got the gate straight out of the stove. I went right on. This one, everything fell. I left in the front garden on the doorstep. I was in cigarettes being involved. And of course, I'm in my depression. Flames scorch the evening sky. 80 days, one summer. Tales of fire, no human flyer. Vengeance is a lonely crew. Across the rooftops, ghost planes fly. 80 days, one summer. If sense descends to pure revenge, the ghost flames scorch the evening sky. 80 days, one summer. Tales of fire, no human fire. Vengeance is a lonely crew. Across the rooftops, ghost planes fly. 80 days, one summer. If sense descends to pure revenge, this grave's Just hit delete and go on. Vendredi 25 octobre, le Festival Québec en toutes lettres accueille du Big Bang à la Double Hélice. Une expérience littéraire et musicale par Yannick Villedieu et Marianne Trudel. En nous racontant les balbutiements de l'univers, l'histoire de la bombe atomique ou encore cette fabuleuse machine qu'est le cerveau, des scientifiques donnent à réfléchir. Leurs paroles mariant poésie, philosophie et science révèlent le monde et l'humain sous un autre jour. Le Festival Québec en toutes lettres, 10 ans déjà. Le 21 octobre, à compter de 20h, une émission spéciale sur les élections fédérales. Jean-François Arthaud, Luc Ferland, Marie-Soleil Brault. On sera avec vous à compter de 19h30 pour suivre le déroulement des élections fédérales, bien sûr. À travers tout le pays, mais de façon particulière pour la province de Québec et pour la région de Québec, on aura des gens avec qui discuter. Sur le terrain, d'anciens conseillers politiques, d'anciens députés. C'est un plaisir de vous y retrouver le 21 octobre, à compter de 20h. Cette semaine, en nouveauté au cinéma Le Clap Sainte-Foy. Apapacho, une caresse pour l'âme. Ciné-voyage présente Tanzanie, Maléfique, Maîtresse du mal et Zombieland, le doublé. Et au Clap Loretteville. Apapacho, une caresse pour l'âme. Ciné-voyage présente Shanghai, Maléfique, Maîtresse du mal et Zombieland, le doublé. Rendez-vous sur leclap.ca pour consulter la programmation et plus encore. Bon cinéma. De retour, ce qu'on a entendu juste avant la pause, c'était Claudio Simonetti's Goblin. Alors, vous connaissez le groupe, la formation Goblin de l'Italie. C'est le claviériste original de la formation qui vient de faire paraître un nouvel album, The Devil Is Back. Donc, voilà. Et ben c'est dans l'esprit de Goblin, hein, vous l'avez entendu. Là, ça, c'est la pièce d'ouverture de l'album. C'est de la musique électronique comme ça, tout au long. Et un bon clin d'œil aux années 70. Juste avant, on avait eu un groupe beaucoup plus moderne, District 97, tiré de leur nouvel album Screams. Et c'est leur quatrième album, ouais, c'est ça. Puis il y a un côté de plus en plus élevé à mesure que des albums. Là, celle-là était quand même assez... tranquille, si on veut, ça peut brasser pas mal plus là, par moment dans cet album-là. On avait eu Capricorn Constant, là, vraiment, là, c'est plus tranquille, vraiment, c'est du folk progressif qui raconte des histoires qui sont arrivées là, là-bas en Angleterre. Donc, c'était Ghost Plains de Capricorn Constant. Et on avait débuté avec la nouveauté, mais en fait, c'est même pas encore sorti, ça va sortir dans un mois. En primeur de Frank Carducci, tiré de ce qui va être son album The Answer, c'était Love is the Answer, et ça paraît le 20 novembre prochain. Alors pour le prochain bloc musical, j'ai fait une découverte avec cette formation du Royaume-Uni, justement, Material Eyes, en deux mots, mais qui peut faire le Material Eyes aussi en un seul mot. Donc un jeu de mots juste dans le nom du groupe, et c'est le deuxième album de cette formation. C'est sorti le 27 septembre, l'album In Focus. On aura la pièce In the City, Et également un autre groupe, moi, que j'ai bien aimé. Je vous avais présenté un extrait au mois d'août, mais c'est pas mal des périodes de vacances. Et c'est possible que vous l'ayez manqué, mais c'est un album, en fait, qu'il faut que je vous recommande. L'album Vandring de la Norvège. Et si vous aimez Aguza, mais il y a un côté mais un peu plus même punché, si je peux me permettre l'expression, vraiment intéressant, corne-mou. On aura une pièce de cette formation-là. D'ailleurs, allez faire un tour sur notre page, notre site web, www.terraincognita.québec. Et vous aurez le contenu, accès à nos podcasts, etc. Puis également, bientôt, il devrait y avoir des nouvelles pour ceux qui espèrent à savoir s'il va y avoir un événement en 2019 de musique live. Vous allez certainement avoir des nouvelles bientôt en surveillant également, en vous abonnant à notre page Facebook. Aussi de Terra Incognita, là. Allez faire un tour là-dessus, puis abonnez-vous, comme ça vous allez avoir toutes les nouvelles en primeur. Donc on y va donc avec ces deux formations, Material Eyes des Royaumes-Unis et Cornmo de la Norvège. Joker in the city. There is so much going on. In the evening, when the lights are so pretty in the city, sights and the sounds of the city. Paid off your wage on a new pair of shoes and a bag. That's the city. To get back to your high. We got you a deal, will you do everything that's required? Slipping me 20. See you. Slipknot est de retour avec un tout nouvel album studio, We Are Not Your Kind. 14 nouvelles chansons, dont Unsainted. It's always first. And take great care to not take care. Slipknot, We Are Not Your Kind. Disponible partout. Quel match! Quel match! Vous voulez tout savoir sur les remparts, le Rouge et Or, les capitales, le sport scolaire et professionnel. Première loge du sport est votre rendez-vous sportif au 89.1. Au menu, résultats, analyses et entrevues. Ici Dominique Girard, en compagnie de mes différents chroniqueurs, je vous donne rendez-vous chaque mardi dès 15h30, Première Loge Sport. Cette émission vous est présentée par Alimentex, épicerie certifiée biologique avec produits de santé naturelle à Québec. 1188 Première Avenue Limoilou, 418-529-7988. Alimentex.ca. Le 31 octobre prochain, à compter de 20h, viens festoyer à la Korrigane à l'occasion de notre traditionnel party d'Halloween. Au programme, des coupes de citrouille et concours de costumes, plusieurs spéciaux et prix à gagner, le tout dans un décor renversant. À compter de 22h, le groupe The Black Coffees enflammera notre piste de danse. L'Halloween, c'est à la Korrigane que ça se passe. 380 rue Dorchester. Quartier Saint-Roch. Alors, de retour. Et juste avant, ce qu'on a entendu, là, ce qui a terminé, c'était le groupe norvégien Kornmo, K-O-R-N-M-O. Et c'est tiré de leur album Vandring. C'est paru cette année, là. Et c'est leur second album. C'est un trio. Et c'est vraiment excellent. Moi, j'adore cet album-là, vraiment. Ça va certainement faire partie de mes albums coup de cœur de 2019. On verra là, quand ça sera le temps des compilations. Juste avant, Material Eyes du Royaume-Uni, tiré de In Focus. Et c'était la pièce In the City. On poursuit maintenant avec un groupe japonais. Alors, des Japonais qui font une musique jazzée, qui fait Frank Zappa. Puis là, ça va commencer à faire la transition pour l'autoroute, là. Donc, Frank Zappa, c'est dans l'esprit de Frank Zappa. DeLoreans, c'est le nom du groupe. C'est leur premier album, l'album éponyme. Alors, c'est paru à fin juillet. Et on aura la pièce To My. Ensuite, la formation américaine... Moon Letters, hein, un album qu'on aime beaucoup, Until They Feel the Sun, et on aura la pièce Those Dark Eyes. Et également, on aura une formation pour terminer, là, pour faire vraiment la transition avec l'autoroute, tout à fait dans l'esprit des années 70, Blur, Lotus, et tiré de l'album Octid de la Suède, un trio également, et c'est leur second album. Une pièce, la pièce Pagan Solstice de Black Lotus, mais tout d'abord, les Japonais, DeLoreans. Thank you.

Formation suédoise Black Lotus, tirée de Og Tid, leur second album. Et on vous laisse là-dessus. Hein. C'était Bruno Côté à la mise en onde, Marc Chaunet au choix musical et à l'animation avec vous depuis 22 heures. Restez les nôtres pour l'autoroute dans quelques minutes avec Stéphane Villeneuve. Bonne semaine et à bientôt. Cette émission est disponible en balado-diffusion. Le Bal du Lézard vous présente une série de spectacles incontournables. Le 17 octobre, du Country Folk avec Dan Valdan et Sergio Ouellette. La soirée DJ du 18. Le 19, le Ska Swing est au rendez-vous avec Chic Arsenic et Bootleg Ketchup. Le 21, soirée d'humour. Le 24, plateau double avec les auteurs-compositeurs-interprètes Charles Landry et Siméon. Le 25, soirée DJ. Le 26, soirée d'humour avec Christian Vanasse et Fred Dubé. Le 31, Party d'Halloween, avec Blues Mousine et DJ L'Allemand. Pour plus de détails, suivre la page Facebook du Bal. Slipknot est de retour avec un tout nouvel album studio, We Are Not Your Kind. 14 nouvelles chansons, dont Unsainted. Song we first. And take great care to not take care. Slipknot, we are not your kind. Disponible partout. Les trafiquants d'art à Limoilou sont les spécialistes de l'encadrement sur mesure, la numérisation d'œuvres de toutes dimensions et l'impression haut de gamme sur toile, papier photo, papier d'art, bois et plus encore. Que ce soit pour l'encadrement d'un diplôme, l'agrandissement d'une photo de voyage, la mise en valeur d'une œuvre qui vous est chère ou encore pour vos projets d'exposition clé en main, les trafiquants d'art offrent un service personnalisé d'une qualité incomparable. Les trafiquants d'art, 975 A, 3e avenue, Limoilou. Traficandart.com. Québec en toutes lettres, pour la suite du monde. Mathieu Simoneau. Dans ton halo, je distingue un avenir sans oiseaux. Un silence inquiétant répand en moi ses lichens, ses fougères coupantes. Que ferons-nous de tout ce vide? Aurons-nous la mémoire qu'il faut pour souffrir ce monde sans écho, pour nos bêtes intérieures? Le gala et le premier gala de la disque reviennent cette année pour récompenser les artistes et artisans du milieu du disque et du spectacle québécois. C'est Pierre Lapointe qui tiendra la barre du premier